Ne ratez absolument pas cet épisode dont on va se marrer, car dans quelques instants, un exploit de Maurice avec une blague qu'il n'a jamais racontée. Si je peux. On va se marrer. Ah oui. Salut à tous et à tous, on va se marrer pendant une heure. Et comme on vous l'a annoncé, en exclusivité, Maurice va peut-être parvenir à raconter une blague qu'il essaye de raconter depuis 6 mois. 20 ans. À 20 ans. Ah, oui, c'est en année chien. Alors, vous avez entendu sa douce voix mélodieuse, harmonieuse. Frédéric Coster. À l'affiche de tous les commissariats de l'Essonne suite à des contrôles alcotest, Maurice. Ah oui. C'est pour ça que je conduis que des SMI maintenant. À l'affiche des... Comment on appelle ça dans les souterrains du château de Dourdan, là? Les ruines. Les douves. Les douves de Dourdan. Les douves de Dourdan. Et les catacombes aussi. Sa femme, elle... Merci, Claire. Ça me fait plaisir. Quand ils se désamis, sa femme l'appelle le vieux donjon. Bob du club. Eh oui, bon, ça arrive. Et elle nous fait l'amitié d'être là. On l'aime beaucoup parce qu'on aime son théâtre. Voilà. C'est La Petite Loge à Paris et c'est Claire Toucourt. Ouais. Hey. Bonjour. Bonsoir patronne. Bonjour. L'émission sera réalisée Bravo Claire. Oui, assez. Et l'émission sera réalisée par Davy ce soir. Avec quel organe? Guêpe et abeilles injectent-elles leur venin? Maurice. Le sexe? Pas du tout. Le dard. Le dard. Mais oui, le dard. Vous auriez pu laisser le dard. Le dard. Ah bah non, il dit des conneries. Je savais que c'était le dard. Mais non. L'abeille, quand elle te pique, elle laisse le dard et elle meurt derrière puisque ça lui arrache la moitié du ventre. Ah. Et oui. Bah, c'est comme quand... que la guêpe. Non, c'est comme quand tu baises avec un lépreux, quoi. C'est un peu la même chose. Oh. Ah non, c'est pas quand tu baises, c'est quand tu fais une pipe à un lépreux. Ah. Ça fond dans la bouche. C'est encore. C'est l'inventeur du steak haché, quand même. Ah bon? C'est vrai. C'est le lépreux qui jouait de la guitare. Ils sont tous très en forme ce soir, donc c'est bien. Ouais. Alors, Maurice, elle est attendue par toute la station. Ah oui. Alors, la blague. Ils m'ont bien bourré, quand du même. Citron. Du citron. Oui, bien, bon. Alors, une vache dit Non, c'est pas ça. Non, déjà non. Maurice, blague deuxième. Allez, taisez-vous dans le public quand même. Ah bah oui, oui, parce que là ça mérite concentration. Ah oui, là il faut que une concentration énorme. Il y a plus le coq et de la pulpe là. Oui. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Le citron dit plus un geste. Mais non. Mais non, un zeste. Puisque plus un geste n'est pas... pas un geste. Hein. Zeste. Zeste. Zorro. Est-ce que Zorro t'arrive à le dire? Zorro. Bon. Ah bah zeste. Alors t'as qu'à dire plus... Tu dis plus un... Plus Zorro. Voilà. Alors, plus un Zorro. Et que dit la vache? On ne bouge plus. Non. On ne bouge plus. Claire, je crois que tu donnes des cours aussi à la Tout à fait, loge, des cours à la petite À quelle loge, heure j'arrive? Tous les lundis soirs de 18h à 20h30. Bon. Je suis là demain soir. D'accord. Bon, fais-nous la blague du clocher, comme ça au moins. Non, il l'a foiré lundi. On va voir si le jeudi il arrive à la faire. Alors. De mémoire, hein, oui, ah oui, sans les notes. Sans les notes. Quelle est la différence entre un i et un clocher? On ne sait pas. Le i, c'est la c'est la voyelle. Moi, je rends les armes. Je jette l'éponge. C'est quand même pas fait qu'un frégé pour entendre des conneries comme ça. C'est une honte. C'est une honte. Quand vous pensez à tous les poilus qui ont fait le chemin des dames, c'est vrai. Et les taxis de la Marne, et pour entendre une blague foirée comme ça, et ben je dis merde, elle est belle la France. Bon, Maurice, on va te... Non. On est mal à la tête, tiens. On va te laisser trop... Non, Maurice, on va te laisser te reposer. Maurice, Fred a préparé un petit jeu. Avec des politiques. Avec des hommes et des femmes politiques à reconnaître. J'aurai quelques phrases, moi, après. Oui, oui. Oui. Donc, il y en a combien? Si j'ai tout bien noté, il y en a 9. Ah oui. Pourquoi t'en mets pas 10? Oui. Mais c'est un peu énervant, ça. J'ai fait un compte rond. Parce que l'autre fois, tu m'as dit que 10, c'était trop. Allez, on écoute. Allez, écoutez bien. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui est le sien et qui est grand, tellement grand. Samimi dostu karimla, Fransanim, c'est la mini sous la hem. C'est vrai que je suis partie à 20 ans, 21 ans, je rencontre Alba Chalandon qui est garde des Sceaux, ma vie change, la vie matérielle change, le quotidien de mes parents change. Dans un endroit où il y avait de grandes difficultés et alors que j'étais sur 3 emplois en même temps. J'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Si, disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Autrement dit, si vous élisez un gouvernement et des députés qui voudraient renationaliser EDF, GDF, ils ne pourront pas le faire parce que l'Union européenne a décidé la privatisation comme celle de tous les autres services publics. Bah écoutez, je crois que l'opération, elle est sincère et que la personne qui a organisé ça a vraiment envie que les pouvoirs publics s'intéressent parce que tous les ans, ça revient comme l'hiver. Je me réjouis de l'union de la gauche qui m'a permis de lutter pour la République dans ce deuxième tour de scrutin. Cette affaire n'est pas politique, et donc j'ai indiqué à Nicolas Sarkozy, qui avait semblé hier, dire que je souhaitais qu'il retire sa plainte, qu'à aucun moment je n'ai demandé cela, au contraire. Pardon pour ces paroles humiliantes, et qui n'auraient jamais pu être vraies. Non mais c'est dur hein quand même. Ah, bah, la dernière, ça va être une dure. Hein. Ah non non non. Bon, est-ce que vous avez trouvé chez vous? Oui. J'ai trouvé tout ça chez moi. Bon allez, on revient dans quelques minutes juste après la pause pour les réponses. Retour, on va se marrer. Ouais. Alors, juste avant la pause, nous avons donc fait le petit jeu préparé par Fred avec les politiques à reconnaître. Donc j'espère que vous avez reconnu plein de politiques. Oh non, très peu, mon Dieu, au secours. Ben, moi non plus. Hein, il y avait des petits pièges parce qu'il y en avait vicieux, notamment le premier qui est actuel, qui est toujours en activité. Ça, mais c'était il y a longtemps. Ah bah je crois que j'ai trouvé alors. Alors, on décompose. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui le tient. C'est le porte-parole. Et qui est grand. Non. Tellement. Il a été porte-parole. Claire a trouvé. Comment a dit Claire? Ah bon, c'est ça? C'est le nain? Eh ben oui, c'est moi, j'avais mis Sarkozy. Mais j'ai reconnu une information. C'est Sarkozy. Mais il y a. Ah oui, c'était en 79, je crois, avant les présidentielles. Ah, d'accord. C'est juste à la fin, il a dit un mot à la fin, j'ai reconnu son intonation au début et à la fin. Non, le public qui est dans la salle me demande de préciser qu'on applaudit la réponse et non pas l'homme politique. C'est pas faux. Ah, d'accord. Pour lever tout le les deux. Ah, alors ensuite. Voilà. Ça, c'est Maurice, ça c'est facile. C'est la mini sous la hem. C'est qui? Je peux vous dire qu'il était président de la République quand je suis né. Pompidou. Il est plus resté longtemps, mais... Pompidou. Non, c'est pas la voix de Pompidou. De Gaulle. C'est Charles de Gaulle qui parlait. C'est Charles de Gaulle. Qui parlait en turc. C'était en Turquie. Oh. Ah, parce qu'on aurait dit qu'il était bourré, alors. Oh, il est assez ambitieux, celui-là. Alors, ensuite, après de Gaulle. Moi, j'ai Voynet. Je suis partie... Non, Rachida Dati, moi, j'ai. 21 ans, je rencontre Alba Chalandon qui est garde des Sceaux. Ma vie change, la vie matérielle change. Le quotidien lui. Je ne le savais pas avant de découvrir l'exemple. Ah, moi je ne sais rien, j'écoute que la voix. C'était Rachida Dati, effectivement. Ah bon? Bravo. Alors que j'étais sur 3 emplois en même temps. Mais je suis vachement forte pour ça dans les films, tu sais, ouais. Quand tu entends une voix, par exemple, les doubleurs français, il va savoir de qui fait la voix et tout ça. Voilà, c'est mon truc ça. Prochain, c'est facile, oui. Ah oui, parce que j'ai pas trouvé, donc effectivement. C'est j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est Jospin à qui on demande, c'est à qui John Paul Lopez demande. Et en 2002, et si vous étiez pas au deuxième tour? Et il dit, j'ai une imagination débordante, mais quand même. Il était, il a pas été au deuxième tour. Ils sont pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. On est d'accord. Ouais. Alors le suivant, vous l'avez pas trouvé? Non, le suivant, j'ai pas trouvé. Si vous élisez, moi, tu veux que je te dise ma boulette que j'ai mis? Oh bah oui, plus. Ils ne pourront pas, le faire. Hein. Moi, j'avais mis Pasqua, Frédéric s'est foutu de ma gueule. Non, c'est pas Pasqua. La plus pire. Bah oui. C'est Gérard Chivardi. Gérard Chivardi. Ah, oui, parce que si vous votez pour la gang, alors c'est vrai qu'on comprend rien. Alors ensuite, oh bah ça c'est la royale. Je crois que l'opération. Eh ben non, c'est ce que j'ai mis, mais comme elle est après, c'est non, pas non. Elle. La royale. Non, non. C'était une de tes copines. La personne ça. Qui a organisé ça a vraiment envie que les pouvoirs publics s'intéressent parce que vous tous les ans, non. Ça revient. Aubry, j'avais mis plus. Non, alors c'est pas. Non, c'était Arlette. Aubry en plumain. Ah, c'est Arlette. Ah oui, on parle. Ah, Arlette. À part le. C'est la lutte. Ta gueule, Arlette. Ah, fais chier, merde. Alors le suivant, est-ce que vous l'avez reconnu? Oui, c'est le président Mitterrand. Je me réjouis. Oh, moi, j'ai pas. De l'union de la gauche, qui m'a permis de lutter pour la République dans ce deuxième tour de scrutin. C'était Mitterrand en 65. Après le deuxième tour. 65. Je sais imiter. Il avait pas. Il avait pas. Claire sait imiter François Mitterrand. Très mal, hein, comme toutes mes imitations. Mais c'est... je ne comprends pas. C'est pas mal, non? Bravo. Ah, oh, bravo. Bravo. Je ne suis pas. Oh, qu'est-ce que tu limites bien. Alors le prochain, oui, c'est le premier ministre à Chirac. Écoutez ce qu'il avait semblé hier. Ou semblait hier. On ne dit rien. Que je souhaitais qu'il retire sa plainte. Qu'à aucun moment je lui ai demandé cela. Au contraire. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, oui. Ah oui, j'avais encore. Et la dernière. C'est la royale, oui. C'est donc quoi? C'est une ignorance. Pardon. Eh bien, merci Fred. Ouais, bravo. Et bravo à Claire Toucourt qui, en fait, c'est celle qui a trouvé le plus Claire, en fait, de tous. Ah, mais elle est extraordinaire, ça. Non, j'en ai trouvé deux. Oui, bah oui, mais Maurice, t'en as trouvé combien? Trois, pardon. Trois. Ah, bah voilà, égalité parfaite. J'en ai trouvé trois. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors, donc c'est Bob qui rentre, bah oui, qui rentre chez lui bien bourré un soir. Il trouve F en train de dormir, les cuisses écartées. Et il aperçoit dans la chambre une petite souris. Oh, merde, une souris! Il veut pas réparer sa femme. Merde, quelle saloperie, c'est pas possible. Alors la souris, il essaie de l'attraper. Clic, clic, je t'attrape. Et comme il est bourré, il n'y arrive pas. Et la souris, cette saleté de souris, elle arrive à se faufiler dans la foufoune de F. Ah. Oh. Alors là, il essaie. Mais comment je vais faire pour la rattraper? Il essaie comme ça, mais il peut pas. Donc il téléphone au médecin de service du SAMU. Allô, mais écoutez, voilà, il y a une souris qui vient de rentrer dans la chatte de ma femme, je sais pas comment faire, mais écoutez, mais j'arrive, écoutez, mais vous savez, je suis pas à Dourdan, je suis à Étampes, le temps que j'arrive, mais essayez d'attirer la souris, mettez un bout de gruyère sur une ficelle, et puis ça va peut-être la faire sortir. Bon, Bob se fout donc la gruyère sous devant, et là, petit. Bon, le docteur part des temps, et donc il arrive avec après une heure et quart chez Bob. Et là, Bob, il trouve Bob accroupi sur le lit. Ah, si, vous avez fait comme je vous ai dit, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Et donc, au bout de la ficelle, il n'y a plus de gruyère, mais il y a une sardine à l'huile qui pend avec l'huile qui tombe dans le lit. Mais vous avez fait, mais vous n'aviez pas de gruyère, vous avez pris. Non, non, si, j'ai essayé avec le gruyère, mais la souris n'est pas sortie, et là maintenant, il y a le chat dedans. C'est deux lesbiennes vampires qui discutent. Vampires? Oui, oh là là là là. Ça commence bien, ça commence bien. Allez, à dans 28 jours. T'as la version espagnole ou pas? Non. Ah ben, il y a la version espagnole, les deux mêmes lesbiennes vampires qui se quittent et qui disent « Hasta la niña ». D'accord. Je suis parti à Lourdes avec ma femme. Ah. À Lourdes? Oui. Oui. Il n'y a pas une de miracle. Je suis revenu avec. Donc tu vois, c'est là les bonnes, Maurice. Voilà. Je vais vous dire une petite phrase avant de partir. Ah, bon, parce que tu t'en vas déjà, Maurice. Au revoir, Maurice. Bon, bah, salut, Maurice. C'était Maurice. Eh bien, merci, Maurice. On l'applaudit bien fort. Mais non, mais il n'est pas parti encore. J'attends une bonne occasion d'offrir des fleurs à ma femme. Ah. Pourquoi? Pour son enterrement, par exemple. Eh ben, elle va être contente. Pas raisonnable, oui. Alors, une petite et une autre. Oui, ah bah oui, bah écoute. Sacha Guitry disait à sa femme, qui était très bavarde, « Madame, sur votre pierre tombale, je vous ferai inscrire enfin muette. » Et Laura Marconi avait répondu, « Et sur la vôtre, je mettrai enfin raide. » Et c'est vrai. Alors Claire, maintenant, la suite de la tournée de blagues, c'est toi. Une petite blague pour toi. Ouais, alors, je vais essayer de la faire courte, d'accord ? Bon. Au même longue, hein, on adore. Oui, moi aussi. Alors, c'est, c'est ce que vous me faites dire, franchement. Donc, c'est un curé qui part avec sa petite bonne. Ils partent en voyage, en pèlerinage. Voilà. Mmh. Et puis, arrivés sur place, ils se font loger chez l'habitant, chez un jardinier. Donc, le premier soir, le pauvre jardinier, il dit, bah oui, moi, je veux bien vous garder chez moi. Ma foi, j'ai qu'une chambre, hein. Faudra qu'on dorme ensemble. Bon. Alors, ils dorment avec lui. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, dans la nuit, le petit curé, il se rapproche de sa petite bonne. Et puis, il veut que hum. Et donc la bonne, qui est pas rassurée, va voir si le jardinier dort. Alors elle lui arrache un poil des fesses pour voir s'il dort. Le curé, qui a bien vu tout ce qui se passait, hein, il est pas con, donc il veut absolument assister, donc il se retient de crier parce qu'il dort pas. Bon. Deuxième soir, pareil, elle y retourne, elle lui arrache deux poils des fesses, lui il se retient, il crie pas, il veut assister, donc il assiste à tout. Troisième soir, pareil. Quatrième soir, pareil. Et ça dure 2 semaines. Puis au bout de 2 semaines, finalement, le petit curé et sa petite bonne partent. Et puis donc, ils rentrent chez eux. Et puis il y a la petite bonne qui est en train de laver les carreaux et qui chantonne « C'est à Lisieux que j'ai perdu mon pucelage. » Et le jardinier en train de ratisser dans son jardin « 15 jours de plus, j'avais plus de poils au cul. » Voilà. C'est à moi. Qu'est-ce qu'on obtient en versant de l'eau bénite dans les toilettes ? La mort aura ? Non, un Saint-Siège. Oh. Oui, on peut. Bon, qu'est-ce qu'un Alsacien ? Un Suisse qui n'est jamais arrivé en Belgique. Dimanche, les enfants, c'est la fête des mères. C'est Madame Guignolet à l'école. Ah. Qu'allez-vous offrir à vos enfants ? À vos mamans ? Oh, y a petit Nono qui lève la main. Madame Guignolet, c'était l'institutrice de Martin Kirsch. Moi, je vais lui offrir un collier de coquillage avec un foulard. Ah, un collier, c'est une bonne idée, ça, Nono. Mais pourquoi un foulard ? Mais parce que si le collier lui plaît pas, elle pourra le cacher sous le foulard. C'est bien. Et toi, Sophie ? Moi, c'est pareil. Ah, Sophie. Mais Sophie, oui, t'as pas dit. Je vais offrir une bague et un gant à ma mère. Ah bon, pourquoi un gant ? Et parce que si elle aime pas la bague, elle pourra mettre le gant dessus. C'est bien. Et Mouloud, toi, moi-même, je vais aller offrir un sac avec une capote. Ah oui, une capote, mais pourquoi une capote ? Parce que si elle aime pas son sac, elle ira se faire niquer. J'en ai une. Alors, une dernière par Maurice. Alors, Maurice a une histoire à vous raconter. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Bravo. C'est pas sûr que je la réussisse. C'est pas grave, Maurice. Il nous reste, Maurice, je vais pas te mettre un coup de stress, mais il nous reste 30 secondes d'émission. Allez. Le citron dit, plus un geste. Et la vache retort. On ne bouge plus. Toujours pas. Une petite fille qui fait ses devoirs demande à son père, papa, quelle différence il y a entre excité et énervé? Ah oui. Vous savez pas, vous. Ben, on l'a déjà raconté 58 fois, vous savez pas. Ah non. Bien. Je vais te prendre un exemple. Il y a 15 ans, ta mère. Oh là, ça y va pas. Là, je veux pas d'ennui avec la justice. Non, ça, on veut pas de ça. Allez, Maurice. Et... J'en peux plus. Allez, t'inquiète pas, nous non plus. Alors, oui, c'est quoi énervé et excité? Repose la question. Ça, hein. Non, mais attends. Bah, si, c'est ça. Oui, si, parce que alors, quel rocher? Ceux qui viennent de se brancher. Ils comprennent rien. Là, ils comprennent. Oui, alors, donc. Il y a 15 ans, ta mère. Non, on comprend. Les gens comprennent rien. On va reprendre le début de la blague. Alors, une blague de Maurice. Une petite fille qui fait ses devoirs demande à son père, papa, Quelle différence qu'il y a entre excité et énervé? Non, elle aurait dû lui dire, papa, quelle différence y a-t-il entre un i et un clocher? Eh bien, ma fille, je vais te prendre un exemple. Il y a 15 ans, ta mère m'excitait. Ouais. Aujourd'hui, elle m'énerve. Ouais. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, voilà. Maurice, c'est 8h du matin, oui. Ça fout le bourdon, non? Non, ah non. Alors, oh que c'est drôle. Ah, allez, mais c'est Maurice. On s'en fout qu'il foute le bourdon, on voit pas sa taille de guêpe à la radio. C'est vrai. Au moins moi j'ai une taille de guêpe. Ouais. Ouais. Je te dis pas là. Frelons la crise cardiaque. Bravo. Ouais. Bon, c'est toi Calder. On va faire un spectacle ensemble. Ah ben jamais. Oui. Alors, Claire Toucourt. Oui. Je suis là. La tournée de blagues, ça passe par toi. Hein. La tournée de blagues, ça passe par moi. Oui. J'ai sorti ma meilleure cartouche l'autre jour. Pareille forte, impuissante, oui. Profonde, intense, oui, oui. Qui demande beaucoup de réflexion. Maurice. Alors, attention, parce que je suis pas non plus aidée, moi. Hein. Que fait un moineau de 2 tonnes? Ah. On ne sait pas. Suspense. Attention, réponse. Piou, piou. Ah, elle est mignonne. J'en ai... Maurice qui dit, non, elle est bien. Lévi, elle est mignonne. Oui, en plus, je suis sûr qu'il l'avait dans sa sélection. Ah, bah, oui. Non, mais j'en ai des plus, mais elles sont plus longues, donc je peux pas... Là, voilà, c'est... Non, mais on peut... Vas-y, hein, vas-y. Fred. Ah, c'est à moi. C'est deux blondes qui se croisent dans un train. Oh, salut, toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je vais voir en queue de train s'il y a des nouvelles têtes. Et toi? Bah, moi, c'est l'inverse. C'est chier, elle est rigolote. Non, non, allez, mais... Alors, c'est pour mettre à son... Pour mettre son escouade à l'épreuve, le général Buzard sonne le rassemblement à 3h du matin. Oh, j'adore ce rassemblement. Oh, inutile de vous habiller, bande de petits salopards. C'est pour nous un peu. Tout le monde à poil dans la cour de la caserne. Et Maurice enlève ta main. C'est plus prison. Tard, dans le froid glacial, les bidasses sont alignées au garde-à-vous. Le général Buzard circule devant eux. L'air sadique, une cravache à la main. On va voir si vous êtes durs, bande de petits salopards. Il s'arrête devant Maurice. Ça va bander mou, hein. Et le gifle avec sa cravate. Mais... Sa cravache. Sa cravache. Avec son nœud papillon. Bah alors, Maurice, je vous ai fait mal? Non, mon général. Pourquoi? Parce que je suis un dur. Alors, le général Buzard aperçoit juste à côté de Maurice un soldat avec une grande zigounette toute droite. Alors, il est outré. Il frappe d'un grand coup de cravache. Clac! Et le mec ne bronche pas comme si rien ne s'était passé. Ah. Bah alors, dis donc vous, là, je vous ai fait mal? Non, mon général. Bah, pourquoi? Parce que c'est celle du gars derrière. Question. Et on joue. Non, un petit jeu. Un petit jeu. Oui, c'est bien aussi. Un petit jeu. Et c'est le fameux jeu que vous appréciez qui s'appelle le Ciné Flash. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Lequel déjà, Ciné Flash? Alors. C'est celui qui date de 83. Voilà. Mais c'est ça avait 2 ans. Alors, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? C'est l'extrait ou la bande annonce? C'est 4 extraits d'un même film. Ouais. Premier extrait. Très difficile. Deuxième extrait. Difficile. Troisième extrait. Facile. Plus ou moins facile. Oui. Quatrième extrait. Très facile. Voilà. Et on doit trouver à quel moment? Ah bah, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Plus tôt vous trouvez. Et plus on a des points. Voilà, exactement. D'accord. C'est-à-dire que si vous trouvez pas au premier extrait, bon, c'est un peu normal, c'est dur. Oui. Si vous trouvez pas au deuxième, c'est que vous êtes des nuls. Si vous trouvez pas au troisième, c'est que vous êtes des gros nuls. Et alors, si on trouve pas au quatrième, on fout le camp. Il n'y a rien à faire. Là, on vous offre 15 jours avec Maurice en vacances dans le Larzac. Mais ça, c'est pas un cadeau, ça. C'est une punition. Voilà. Voici le premier extrait. You believe in magic. Don't you bother to choose if it's jump and music or rhythm and blues. Just go and listen. It'll start with a smile and won't wipe off your face no matter how you try. Your peace of start tapping and you can't seem to find how you got there. Pour avoir le deuxième extrait, moi. C'était donc le premier extrait. C'est Brothers quelque chose ? Non. Si. Non. Bon, comme il est vicieux, ça ne doit pas être une comédie musicale. Ah oui. Eh oui. Oui, vu, c'est vrai. Et pour vu, ça, je demande le deuxième extrait. Vu que ça doit être un vieux cinéflash, ça doit être des années 80. Là, ah, non, c'est pas forcément un vieux cinéflash. Je vous rappelle que. Ah, tu as refait des cinéflashs. Non, j'en ai pas refait, mais. Est-ce qu'il y a des enfants dedans? Eh ben, je vous dirai pas. Parce que je pense aux Goonies. Ça faisait longtemps que tu nous avais pas ressorti les Goonies. C'est vrai. Ouais. Et en plus, ça pourrait coller, hein. Ça pourrait coller, oui. Non. Mais alors... ce n'est pas ça. Ah, j'ai pas dit que c'était pas ça. J'ai dit que ça pourrait coller. Parce que toi, tu sais? Non. Ah bon? Bon, alors écoutez le deuxième extra. Ah, oui. J'attends. Vraiment. Les mecs. J'oublierai jamais ce qu'on a vécu. Je ne l'oublierai jamais non plus. Merci. Bon, au revoir. Au revoir. Ça pourrait être les Goonies. Ah, tu vois. Je vous dirai jamais ce qu'on a dit. Le truc, c'est que moi, j'avais... Mais à la fin, là, quand ils sont tous ensemble. Le truc, c'est que moi, j'avais le disque, le 33 tours de la musique des Goonies. Oui. Je m'en rappelle très bien. Et il n'y a pas Et il n'y a pas le morceau qu'on entend. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est un morceau qui n'était pas sur le disque? Oui, parce que c'est vrai que Bob, pendant 20 ans qu'on a fait, on a fait une émission qui s'appelait Faites vos jeux, il y avait ce jeu. Il y avait deux films que Bob croyait reconnaître toutes les semaines, en alternance. Je me souviens plus. C'était les Goonies ou le Patriote. Le Patriote. D'accord. C'est-à-dire que s'il y avait de l'action. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la fois où t'as mis les Goonies, il l'a pas reconnu. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est génial. Il dit je vais mettre les Goonies, il l'a pas reconnu. Ouais, ouais. Donc là, alors, la proposition, Bob, non? Non. Non, tu trouves pas? Non, bah, j'ai pas entendu de coup de canon, donc j'ai peur que ça ne soit pas non plus le Patriote. Je vous croirais jamais ce qu'on a vécu, donc c'est les jeunes, visiblement, qui ont vécu une aventure. C'est un film en noir et blanc? Non, vu la chanson, c'est pas en noir blanc. Non. Oui. Mais non. Alors. Bon, écoutez le troisième extrait. Non, je connais pas. Oui, là, ça devient facile. Je passais par. C'est tout? Ah, mais c'est trop cool. Avec Robin Williams. Et je me suis fait la réflexion suivante. Mon grand, il y a bien longtemps que nous n'avons pas eu une conversation entre père et fils. Ah non, pas forcément. Oh, j'en ai oublié. Je t'ai apporté des magazines. Ouvre-le à la double page centrale, si tu veux bien. Claire, t'as dit quoi? American Pie. Écoutons le dernier extrait. Ah, la voilà, mon docu. J'ai raté quelque chose? Non. T'arrives juste à temps, il commence. Oh, j'y crois pas. Oh, merde alors. Ah, oh, ça c'est trop. Oh, vous avez vu, ça y est, elle l'enlève. Oh là là. Oh là là. Je maintiens. Dieu bénisse Internet. Différence de Maurice. Oh, vas-y, enlève-le. Oh. Oh, non. Eh bien, c'est une bonne réponse de Merci, oh gloire. Puis alors, hé, t'as sauvé l'honneur parce que tu l'as trouvé avant le dernier extrait. Quand même, t'as vu, voilà. Quand on pense que Frédéric Coster en a fait des années et des années une émission, une chronique cinéma. Non, mais. Puis là, en plus, film d'auteur, American Pie, quand même, s'il vous plaît. Mais... Retour, on va se marrer. Ça promet. Non, on va se marrer, vous le savez. Ce que les gens apprécient, enfin ce que les auditeurs apprécient, c'est j'ai une surtout... question. Non, c'est pas les questions, c'est les tournées de blagues. Ah, ah bon. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Bon, bah, vas-y, Maurice. Alors, moi, j'ai des contre-pétries. Ah, c'est pas c'est dur, ça. Hein. Comptez les points. Alors, Claire, comptez les points. Je compte. Alors, pointez les coins. Voilà. Pointez les cons. Cons, pardon. Ouais, je suis nul à ça. Alors, contestez nos particules. Contestez. Comparez nos testicules. Oh là là. Convertissez mon père. Pervertissez mon con. Ah oui, oui. Oh. Ah oui. Coupez les nouilles au sécateur. On la connaît. Oui. Hein. Une dernière, Maurice, alors pour la route. Et courez mon bon. Bourrez mon con. Merci, Claire. Évidemment, faut que je trouve celle-là, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant, hein, voilà. très bien. Là, ce qui est bien, c'est que Fred va pouvoir récupérer les extraits de l'émission pour mettre sur le répondeur de la petite loge. Ah bah oui. Ah bah oui. Vous êtes bien sur le répondeur de la petite loge. Bourrez mon con. Mais en plus, c'est moi qui fais la voix sur le répondeur de la petite loge. Formidable, parfait, changerai. Le Minati qui arrive ventre à terre chez son gynécologue. Bah, docteur, voilà, j'ai un problème, c'est que j'ai un gros problème. Mais oui, calmez-vous, asseyez-vous, mais je suis déjà assise. Ah bon. Alors, j'ai un problème, c'est que j'ai la chatte en feu. J'ai la chatte en feu. Enfin, pas tout le temps, ça dépend. En fait, c'est quand il pleut. Et bien, oui, mais alors aujourd'hui, il pleut pas. Ben non, aujourd'hui, je l'ai pas. Ben, revenez me voir un jour où il pleut, que je puisse constater sur la bête. Ben, vous passerez devant toutes les clientes, je vous passerai en priorité. Bon. 3 jours plus tard, une averse d'enfer. L'animati ventre à terre chez le gynéco, elle passe devant tout le monde. Rendez-vous, crac, elle rentre. Oui, elle ça y est. Là, vous avez la chatte en feu. Oui, j'ai la chatte en feu. Bon, bah, alors installez-vous, elle se fout les 4 fers en l'air sur le truc et tout. Il commence à regarder. Ah oui, oui, oh, bah, d'accord. Bon, n'ayez pas peur. Mais il prend des ciseaux dans son bureau et puis elle l'entend. Ça s'inquiète, mais je sens rien. Mais attendez, docteur, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais vous inquiétez pas, je raccourcis vos bottes. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre Christine de Viejoncourt et une vieille goélette? Les chaussures. Une qui a été en tôle. Non, aucune, toutes les deux branlent du mât. De particuliers, les 35% de personnes qui passent des petites annonces rencontres. Ils sont célibataires? Non. Il y a 35% des gens qui passent des annonces rencontres qui ont quelque chose de particulier. Ils sont gays? Non, il y en a plus. Ils cherchent un partenaire? Non. Bah oui, quand on passe une annonce rencontre. S'ils passent une annonce, bien sûr. Ils cherchent personne. Il y en a 35% qui font des petites annonces mais qui cherchent personne. Si, ils cherchent. Ils cherchent. Il cherche à toucher. Juste tirer un coup? Non. Il y a 35% de puceaux? Oh non, il y en a moins que ça. Attends. C'est vrai qu'il y a. Ça existe. Tu sais ce que c'est qu'une petite fille vierge? Bah, c'est une enfant de 5 ans. Qui court très vite. Voilà. Je sais pas, ils ont plus de 70 ans? Non. Non, mais tout à l'heure, t'étais bien parti. C'était, en fait, c'est le contraire de ce que t'as dit, là, ta première réponse. Ah, ils sont hétéros? Non. Ils sont mariés. Ils sont déjà mariés. Ah oui. Bonne réponse de GG. Ah. Heureusement que je suis là pour la culture. Un type demande à une copine : est-ce que tu connais la différence entre une casserole et un bidet ? Non, fais la fille. Ah oui. Alors sois gentil, ne m'invite jamais à dîner chez toi. J'ai une histoire de Gégé. Qu'est-ce qui est rond, rose et qui fond dans la bouche? On ne sait pas. Un gland de lépreux. Oh, non. Oh non, mais le Gégé n'applaudit pas. Et on va commencer fort. Combien y a-t-il d'histoires de blondes? Bah, autant qu'il y a de blondes. Non, il n'y en a que 2 et tout le reste est vrai. Alors c'est une histoire vraie, c'est chez Bob la nuit, il est couché avec sa femme, F, au lit, et puis comme ça fait longtemps quand même qu'il ne l'avait pas touché, elle est toute contente, d'un seul coup elle sent la main de Bob qui effrôle son épaule, il commence à lui titiller le cou, il lui descend le long du dos, il lui caresse le creux des reins, elle n'en peut plus, elle frétille, il lui caresse les épaules, puis le cou, puis les seins, il s'arrête dans son bas-ventre, il place la main sous sa croupe, oh là là, elle n'en peut plus, mais elle, c'est pas possible, mais puis d'un seul coup il s'arrête, net, mais chérie, ne t'arrête pas, c'était tellement merveilleux, mais pourquoi tu t'arrêtes? Parce que j'ai retrouvé la télécommande. Quelle est la différence? Non. Tu vois, tu me trouves Bob déjà, tu vois. Bien, oui. Arrête de manger devant moi parce que moi, j'ai pas le droit de manger, tu vois. T'as pas le droit de manger? Non. Que ça comme maladie? Rien du tout, mais c'est mes pantalons qui sont pas contents. Mais tu sais que tu pourrais faire des dons, Maurice. Tous les ans à Massy, dans le Nord-Essonne, il y a le festival du cirque, ils cherchent des chapiteaux. Hein. Ah bon, c'est bien. Alors, c'est une jolie petite antenne de TV qui tombe amoureux d'un paratonnerre. Ah. Qu'est-ce qu'elle lui murmure? Ben, je sais pas, qu'elle a eu le coup de foudre. Non. Dis, tu y crois au coup de foudre? Oh là là, oh là là, oh là là. C'est la sœur du clocher, d'ailleurs. Comment réussir un feu de cheminée à coup sûr? Tu mets le feu dedans. Voilà, ça c'est une bonne idée. Tu l'allumes avec des allumettes. T'as oublié de préciser à Kevin quand même que Maurice, quand il était petit, a eu un problème justement à propos de feu de cheminée. Oui, j'ai bien connu sa maman. Voilà. Et sa maman me rappelait, la maman de Maurice, oui. Me rappelait que quand il avait été petit, il y a eu le feu dedans. Oui. Donc ils l'ont éteint un coup de pelle. Maintenant il est comme ça. Merci Bob. C'est de nouveau gratos. Alors pour réussir un feu de cheminée à coup sûr, vous jetez une poignée de gros sel au début quand il y a des flammes. Ça s'est fait à Toulouse, là, quand il y a l'histoire de la ZDF. Voilà, ils ont fait ça aussi, oui. Ils ont mis un peu de sel. Du sel de potassium qu'ils ont mis. Sauf que c'était de la cocaïne, c'est pour ça que... Mettre de l'essence, hein, aussi, hein. Oui, c'est plus étonnant. Mais le sel, ça éteint le feu. Bon, moi, j'ai toujours dit que le sel éteignait le feu, moi. Ben oui. Pas le sel béni. Bon, merci, Bob. De rien, c'est gratos. Alors, justement, à propos de Bob... J'en ai encore une, malheureusement, toujours des témoignages de F qui m'envoie chaque semaine quand même des choses qui est du vécu. Bob, pendant un moment, était persuadé que F le trompait. Alors un matin, avant de la quitter, parce qu'il partait en voyage d'affaires pour 24 heures, il place un bol de crème sous le lit conjugal. Un bol de crème. Un bol de crème, de la crème fraîche. Ah oui. Sous le lit conjugal, il pose une cuillère en bois accrochée à l'un des ressorts la rue. Comme ça, il se dit, si elle est toute seule, la cuillère touchera pas la crème. Voilà. Et si je reviens avec la cuillère à tremper dans la crème, ça veut dire qu'ils étaient deux dans le lit. Donc, il part, 24 heures, il revient, il va sous le lit, il soulève le lit, et là, il a la surprise de trouver une livre de beurre. Merci Philippe. Quelles sont dans l'année les trois fêtes juives les plus importantes? Yom Kippour. Oui. C'est le grand pardon, ça. Oui. Rosh Hashanah. Tout à fait. Et le Ramadan. La troisième, je vois pas. Le Ramadan, le troisième. Non. Le salon du prêt-à-porter. Alors, c'est deux Belges qui se promènent dans un jardin public et ils aperçoivent un chien en train de se lécher les couilles. Ah, l'autre, j'aimerais bien faire comme lui. Hein. Alors, le second lui répond, c'est très possible. Hein. Si tu veux, je peux le tenir. Fred, une bretelle qui saute, trois morts. Idiot. Je suis mort de rire. Seulement de rire, c'est bien ça qui nous... Une question spéciale vacances. Allez, Renaud. Maurice, une question. À main malouf. Maurice, tu nous as annoncé que tu partais au Cap d'Agde. Oui. Donc une question qu'on nous a préparée spécialement pour toi. Par quel fleuve? Dans le sud-ouest, on l'appelle la dune du Pilet, Maurice. C'est pas du Pilat. Non, c'est épilé. Par quel fleuve la ville d'Agde est-elle traversée? Ah. Voilà une bonne question. Attention. Là, t'as soufflé, t'as toutes tes blagues de télé-loisirs qui sont envolées, Maurice. je vais aider Maurice. Ouais. Pourquoi? Parce que Maurice t'aime bien les bébés. Hein, la Maurice. Gironde. Maurice, t'aimes... Non, pourquoi? Non, si. Parce que ça pleure sans arrêt. Oui. Tu les fais manger, les bébés. Oui. Après, quand ils ont mangé, tu les prends dans les bras, tu les tapotes un peu pour qu'ils te fassent quoi? Un rot. Non, les rots. Bonne réponse, Maurice. Aidé par Frédéric Cosset. Oh, y a pas que moi, j'adore les bébés. Y a pas que moi, tout le monde l'a dit. Ça se jette au Gros du Roi, si je ne me. Ça va. Commence pas à insulter Fred. Commence pas. Parce que la blague du Gros du Roi, ça fait 15 ans qu'il meurt. Tu pars en vacances au Gros du Roi. Oh là là. Non, maintenant faut arrêter. Change de disque, on est passé sur CD maintenant. Oui. Bon, allez. Elle est bonne celle-là. Hein. Oui. Non, non, vraiment pas. David non, a rigolé. Non, celle-là, elle a fait un bide. Non, je vais te déposer. Celle-là était bonne. Comme dirait quelqu'un que je connais, si tu courais aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Marseille. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Si tu choisis l'incinération, sache que ce sera ta dernière cuite. Tandis, et quand t'es arrêté, t'auras toujours une chance d'avoir un petit verre dans le nez. Oh, elle est drôle. J'ai été marié 3 fois. L'autre répond, des enfants? Non, toujours avec des adultes. Oh. Alors, je vous ai pas dit que je suis parti en Bretagne passer quelques jours l'autre jour, et alors, dans une crêperie, j'ai trouvé une pute bretonne qui fait des spécialités à 15, à 10, 15 et 20 euros. C'est quoi? Alors, attends, je t'explique. À 10 euros, elle t'enveloppe la queue, en fait, dans une crêpe. Et elle te fait une turlute. Ah Oui. Et à 15 euros. Comment? Et à 15 euros, c'est ça que je veux savoir. Et à 15 euros, c'est pas compliqué. Pour 15 euros, elle te met du Nutella dans la crêpe. Et à 20 euros. Non, à 20 euros, je me suis cassé parce que quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier, les amis. C'est une portugaise qui arrive au commissariat. Bonjour, j'ai fait me planquer, je me suis fait violer dans le bus. Le policier comment ça dans la bouche. Maintenant j'ai dit dans la bouche. Vous êtes fait violer dans le bus. Oui c'est ça. Et il y en a une qui a commencé à me caresser, puis il a bouché de moi. Et personne ne vous a aidé dans le bus. Et ben non, les chauds qui sont regardés, puis ils sont venus me violer aussi. Tout le monde est venu vous violer. Ah oui, tout le monde. Et le chauffeur, il a participé aussi. Mais vous n'avez pas crié. Ben si, j'ai crié, bien sûr. Et personne n'a rien fait, ils ont continué. Ben oui, je vous joue, j'ai crié, laissez-moi. Alors dans l'émission, on a les archives d'On va se marrer, avec une émission qui existe depuis 17 ans, quand même. Et Frédéric Costia, il y a quelques années, nous avait raconté une excellente blague. C'est un couple dont une blonde qui part en vacances. Ils sont sur une petite route de campagne et la femme, elle fait oh, « Chérie, arrête-toi, j'ai envie d'aller faire la grosse commission, arrête-toi !» J'ai envie de faire la grosse commission, de faire caca. Alors le type, il s'arrête, elle va dans les buissons et au bout de 5 minutes, elle hurle. Chérie, viens vite, j'ai accouché. Oui, viens vite, j'ai accouché, écoute, je vois ces petits bras, ces petites jambes, ils bougent, viens vite. Alors le mec, il arrive, en courant, il regarde et fait, mais t'es conne ou quoi, t'as chié sur une grenouille. Alors c'est un musulman qui décède et qui arrive au ciel, et il est très excité car toute sa vie il attendait ce moment, le moment de rencontrer le grand Mahomet. Alors il arrive au portail du siècle, il voit un homme avec une grande barbe. Ah, purée, Mahomet! Non mon fils, je suis pas Mahomet, je suis Pierre. Mahomet il est plus haut, là tu vois il y a une échelle dans les nuages, tu grimpes et tu vas le trouver. Ah, donc il monte, là. Il arrive, il rencontre un autre homme avec une grande barbe. Ah, oh, purée, Mahomet! Mais non, je suis pas Mahomet, je suis Moïse. Mahomet, il est plus haut. Oh, le mec, il continue à monter, il tombe sur un autre barbu. Oh purée, Mahomet. Je suis pas Mahomet, je suis Jésus. Mahomet, il est plus haut. Il continue à monter, il retrouve un barbu. Purée, Mahomet. Mais non mon fils, je suis Dieu. Mais tu as l'air épuisé, tu veux un café? Oh purée, volontiers, volontiers, c'est pas possible. Et à ce moment-là, il y a Dieu qui se retourne, il fait hey, « Eh oh, Mahomet, deux cafés !» Une jeune fille qui rentre chez son docteur. « Ah, docteur, j'ai du poil sur la poitrine. » Alors le docteur, il regarde. « Ah oui, effectivement, vous avez du poil sur la poitrine. Et ça descend jusqu'où, comme ça, je vois que ça... Bah, jusqu'aux couilles, docteur. » Alors, vous savez que... il y a quelques jours de cela, on a fait croire à ce pauvre Maurice que la rubrique de Frédéric Coster était donc sponsorisée par une célèbre saucisse sèche. Écoutez les dégâts. Moi, qu'elle soit. Alors, je crois qu'il est temps d'avoir des nouvelles des stars, les news de stars de Frédéric Coster avec le sponsor. Sans sponsor, Jérémy. Ah ben non, Maurice, il faut le sponsor. Le sponsor, Maurice. Le sponsor, le sponsor, le sponsor, le sponsor, le sponsor, Maurice. Alors, vas-y, quelle différence y a-t-il ? Non, le sponsor. Le sponsor avec la juste chaise. La juste chaise de Justin Bridou. Mais là, comment ? La juste sèche de Bristin Bridou. Excusez-moi. La juste sèche de Bristin Bridou. Non, la, tu répètes. La juste sèche de Justin Bridou. De Justin Bridou. Ah, non, tu dis tout en entier. Allez, hop, la juste sèche, voilà. C'est pas de Justin Bridou. J'arrive pas. Mais voilà. Je suis comme Mergot, hein, j'arrive pas. Voilà. Mais envoyez le jingle. Allez. Non, je sais, il n'y a pas de jingle, c'est moi. Ah oui. Bon, envoie ta blague. Tiens, j'ai des mots croisés à faire. Ah, oui. Sodomie en trois lettres. Oula. Je sais pas. Non. Aïe. Alors, ça se passe à l'école, c'est la maîtresse qui prend les élèves au hasard dans la classe. Alors, Bob, quel son produit une vache ? Meuh. Très bien. Michael, quel son fait un chat ? Miaou. Ah, tu l'imites bien, c'est bien. Très bien. Christophe, quel son produit un chien ? Wouf. Ah, parfait. Patricia, quel son produit une souris ? Clic. Alors une dame distinguée rentre de Suisse en avion et s'y retrouve assise à côté d'un brave curé à qui elle demande « Pardon mon père, est-ce que je pourrais vous demander une faveur ?»« Mais bien sûr ma fille, que puis-je faire pour vous ?»« Ben voilà, je me suis acheté un épilateur électrique super sophistiqué que j'ai payé extrêmement cher et j'ai vraiment dépassé les limites permises et j'ai peur de me les faire confisquer à la douane. Alors je me demandais si, enfin, si vous ne pourriez pas le dissimuler sous votre grande soutane. »« Mais bien sûr mon enfant, que je le peux, seulement je dois vous avertir, je ne sais pas mentir. » Oh, vous avez tellement bon visage, on vous posera sûrement aucune question. Et elle lui remet l'épilateur. Alors il le range dans sa grande poche de manchot, de manteau. L'avion arrive à destination. Et ben, le tour du curé de se présenter devant le douanier. Alors mon père, vous avez quelque chose à déclarer ? De la tête à la ceinture, je n'ai rien à déclarer, mon fils. Alors trouvant la réponse quand même un peu bizarre, le douanier ajoute et, de la ceinture vers le bas, qu'est-ce que vous avez ? J'ai là un merveilleux instrument destiné aux femmes, mais qui n'a jamais été utilisé. Et dans un grand éclat de rire, le douanier dit « Allez passer, mon père ⁇ C'est quoi C'est quoi alors règlement de compte et légende? Oui, tout à fait. C'est du détournement de compte, la ribaud de bois dormant. Justement, c'est la ribaud de bois dormant, Durillon, Baladin, Quasimodo et presque Esmeralda. Mais c'est en vert ou absolument pas? Ah oui, non. C'est l'histoire de deux comédiens. Si vous voulez, c'est sur forme de plusieurs sketchs et deux comédiens qui essayent désespérément de faire un spectacle, de reprendre les contes et légendes, sauf qu'il y en a toujours un des deux qui fait tout foirer, quoi. Ah. Voilà. Et pour juste comme ça, petit truc, c'est par exemple dans Ariel la petite sirène au tout début, il veut absolument qu'on fasse Ariel la petite sirène. Moi, je dis qu'elle est pourrie cette histoire. Il me dit que non, elle est romantique. Et je lui dis ah ouais. Un prince puceau à 30 balais qui veut se faire du poisson, tu trouves ça romantique? Voilà. Allez, très bonne. C'est un côté romantique. N'est-ce pas? C'est glamour. Mais on sait pas lequel, hein. Alors, c'est ça, on l'a pas trouvé. On vous l'a annoncé toute la semaine en exclusivité, bien sûr. Tu sais, je crois que le bandeau a tourné en, oui, en sur BFM TV en boucle. Maurice a décidé ce soir de vous faire ces deux blagues fétiches. Et, citron. Maurice. Le citron. Parce que il faut. C'est la dernière fois de la saison qu'on te le demande. Vous la faire juste une fois. Voilà. Oui, bien sûr. Sans pression. Concentre-toi, respire bien. Voilà. Non, alors, bière, mais vas-y lentement pour avoir le temps de lire. Ah, c'est pas le kangourou, non? Non, c'est citron. Citron. La régie. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Là, tout va bien. Le citron dit. Ah, c'est là que ça se complique. Plus un zeste. Oui. Oui. Et la vache retorque. On ne bouge plus. On n'a rien entendu. On ne bouge plus. Alléluia. Vous pourrez la regarder, parce que ah, vous on la... fera pas mieux là, je crois. Non, maximum. Mignola pour Maurice. Ah, il est au taquet là. Mais quand tu vas devoir la faire tous les soirs à la petite loge parce que tu feras un spectacle, je ne dis pas comment on va. Non, mais elle sera enregistrée. Une voix off, voilà. Au restaurant. Oui. Monsieur, je vous suggère la langue de bœuf. Ah bon? Ah. Oh, pas, c'est un truc qui sort de la bouche d'un animal. Non, autre chose. Donnez-moi plutôt un œuf. Alors, vous savez que Bob, ici, tout le monde le sait pas, Claire ne le sait pas. Non. Mais Bob, ici présent, oui, a une passion pour les extraterrestres. Ah oui? Les petits gris. Oui. Et tu voulais nous annoncer quelque chose, peut-être, non? Non, bah, on l'a déjà fait l'autre fois avec Elvis Presley. Ah. Elvis Presley, croyait aux ovnis, oui, et surtout de deux sortes d'ovnis. L'ovni Thunder. Et l'ovni Trou. Alors que nous, on a un extraterrestre à la table. Ah. Oui. Roswell. Ah oui. Physiquement, c'est ce qui s'en rapproche le plus, hein, c'est vrai. Alors, 3h du matin. Oui. Le téléphone sonne à l'Elysée. Je baise. C'est le directeur de l'Observatoire de Paris. Allô, monsieur le président. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Oui. Que le téléphone sonne. Sortez vite sur le balcon et regardez dans le ciel. Alors, t'as Sarko qui sort. Et il regarde dans le ciel. Et il voit une sorte des étoiles dans la nuit se rassembler qui semblent former une phrase. Carla Bruni. Êtes-vous? Alors, le président français appelle immédiatement tous ses homologues du monde entier qui décident d'un commun accord d'envoyer une réponse aux extraterrestres. Alors, on dépêche des milliers de casques bleus dans le Sahara, équipés avec des lampes Porsche. Ah non, c'est des lampes Porsche. De ce corps. De Nouakchott à la mer Rouge, les soldats s'alignent pour former une gigantesque phrase lumineuse. Tic, tic, tic. Nous sommes les terriens. Alors, tout le monde regarde, etc. Il y a un silence dans le monde entier, c'est retransmis sur toutes les chaînes. Et là, il y a une nouvelle phrase qui s'affiche dans le ciel. C'est pas à vous qu'on parle. Alors, une question pour faire plaisir à Bob et pour que Bob réponde surtout, puisque c'est un spécialiste de tout ce qui est poisson, parce que c'est un ancien poissonnier. Quel mollusque? Un mollusque. Est en matière de pêche l'activité principale d'Erki? Ah oui, la coquille Saint-Jacques, bien sûr. Bonne réponse de Bob. Capital. Ah, bravo. Je pensais quand même pas qu'il allait répondre. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. la tournée de blagues. Alors, le lundi matin, il y a une femme qui dit « Chérie, il y a le lavabo qui a un problème, faut que tu le répares. »« Bah attends, tu fais chier, je suis pas plombier. » Mardi. Chérie, ouais, il y a le placard qui a un problème, il est cassé, faut que tu le répares. Bah, fais chier, je suis pas bricoleur. Mercredi. Chérie, ouais, il y a l'ampoule qui clignote, elle marchait plus, tu peux la réparer. Ouais, tu rigoles ou quoi, je suis pas électricien. Jeudi. Chérie, il y a le nouveau voisin qui sait tout faire, il a réparé le placard, l'ampoule, l'évier, tout. Et en échange, il m'a dit, soit vous me faites une tarte, soit vous me faites une pipe. Ah bon, et tu as fait une tarte? Ah ben non, je suis pas pâtissière. Je vous avais promis le lundi hier soir. Il faut que tu la refasses, Maurice. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le verre de Maurice? Oui. Tu bouches la bouche. Ouh, là j'ai peur, ça va être moi le suivant. Tu pousses j'ai le bouchon un peu loin, Maurice. Bon. J'ai bon. Quelques perles de policiers. Ah. Le suspect s'est alors décidé à passer aux aveux sans même qu'on l'ait frappé. Comme tu sais qu'on nous écoute au commissariat. J'ai des amis des ORG, il n'y a pas de problème. Ah, c'est ceux qui ont écrit Tintin. Voilà. Oh, non. Oh, elle est bonne, celle-là. Allez, te laisse pas intimider, Maurice, vas-y. Comme il devait être pris en charge au plus vite. Non, pas celle-là. Oh là là là là. Mais en plus, si. Mais tu peux pas faire la sélection en antenne avant d'arriver, Maurice, mais quand même. Je suis tellement pris par les autres radios, j'ai pas le temps. Ah oui, c'est vrai que tu sors de l'hôpital. C'était un scanner, là. Ah tu oui. Vois, ouais. Et alors, ton. Comment dire. Ils t'ont tout scanné. Ton ablation de l'utérus, ça s'est bien passé. Très très bien. Très très bien. Mais ils l'ont retrouvé quand même. Ah ben c'était gros, hein. Ah c'était un gros machin. Oui. Ah d'accord. Alors, n'ayant pu abuser de la jeune femme, il la viola sauvagement. C'est gentil. Ah ben ça te fait plaisir en plus. Une petite dernière peut-être, Maurice. L'homme assez lucide pour constater qu'il n'avait plus toute sa lucidité. Ah, oui, un peu non parce qu'il va en refaire. Que se passe-t-il tous les ans, une grande fête, au parc de la Courneuve? Ah, c'est la fête de l'humain? Bonne réponse de Bob. Oh, bah oui, mais il n'y a que Bob qui répond. Bah, les autres ont le droit de répondre aussi. Oh, hein. Mais j'allais le dire. C'est un jeune fonctionnaire qui vient d'être nommé à l'ambassade de France au Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est bien le Burkina Faso. Le capitale du Burkina Faso, Bob? Je ne sais pas. Ouagadougou. Ouagadougou, peut-être. Oui. Ouagadougou, goudou. Et ancien nom du Burkina Faso. Ah, c'est comme en Centrafrique. Non. Non? Non. Ah, je sais pas, alors. Pense à une pute qui habitait à l'étage. Là, bah, c'était la Haute Volta. Ah, la Haute Volta. Ah oui, t'as raison. Ouais. Alors, il y a au Burkina Faso, et il arrive, bonjour, monsieur l'épicier. Ah, bonjour, monsieur. Ben voilà, vous n'avez pas une spécialité locale, c'est parce que je fais un dîner. Ah, si, si. J'ai de l'éléphant en conserve. Ah, très bien, ben voilà. Ben tenez, je vous vends une boîte, 500 francs CFA, très bien, donc, le mec prend la boîte. Le soir, il va pour préparer le repas, il ouvre la boîte de conserve, la boîte est vide. Oh l'enfoiré! Il retourne le lendemain, dedans là! Vous auriez pas foutu de ma gueule un peu là avec votre boîte d'éléphant? Pourquoi? Ben regardez, elle est vide. Ah, pas du tout, pas de chance, vous êtes tombé sur le trou du cul. Comme t'es très fort en calcul mental, Bob, ah je oui. crois. Hein. Je vous propose quelques opérations très faciles. Un bus part pour sa tournée. Premier arrêt. Oui. 15 passagers montent. Arrêt suivant. 10 montent et 12 descendent. Arrêt suivant. 3 passagers montent et 5 descendent. T'aurais dû noter, Bob. Tu vas jamais t'en sortir. Si, si, c'est bon, là. Arrêt suivant. 11 montent et 1 descend. Ah, oui. L'arrêt suivant. 5 passagers montent et personne ne descend. Ah. Arrêt suivant. Personne ne monte et 3 descendent. D'accord, d'accord. Arrêt suivant. Personne ne monte et 5 descendent. Oui. Arrêt suivant. 3 personnes montent et 2 descendent. T'es toujours bon, là? Oui, je suis bon, là, oui. Le bus repart jusqu'à son terminus. Là, il s'arrête. Alors, comme t'es si fort, combien y a-t-il eu d'arrêt? Ah, ah, ah, ah. Alors une question, puisqu'elle est réclamée à corps ah et bah à oui. cri. Ah oui. Ah oui. Alors comment se nomme la femelle du lièvre, Maurice? Maurice. Attends, on en est à Maurice. Maurice. Oh ouais, la femelle du lièvre, comment tu l'appelles? Lapine. Le missionnaire. Ah non, la lapine, c'est la femelle du lapin. Oui. La femelle du lièvre, c'est la... Le missionnaire. Je sais pas. Tu l'appelles pas? Non, je l'appelle pas. Moi, le lièvre, j'en mange pas. Ah bon? Tu savais, toi, que la damassée, là-bas. C'est la hase, non? Oui, bah oui, c'est une bonne réponse, Edgar Toucourt. Ah, c'est pas la levrette? Non, c'était le piège. Non, la levrette, c'est la femelle du levreau. Ah. Je pensais qu'il allait nous le faire quand même, Maurice. Non, non, non. Mais comme j'ai mon sponsor et je veux un réabonnement à Téléloisir, je vais vous dire une blague de Téléloisir. Ah. Ils ont gagné du pognon avec celle-ci. Ah ouais, dis donc. Une maman demande à l'institutrice de son fils: pourquoi affirmez-vous que mon enfant copie sur son voisin? Par exemple, à la question « Où Napoléon est-il mort ?» Le voisin de votre fils répond « Je ne sais pas. » Et votre fils écrit sur sa copie « Moi non plus !» On l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. Bravo, Maurice. J'ai gagné mon abonnement. Bravo, Maurice. Bon, et le petit jeu? Il y a, tous les soirs, il y a les petits jeux. Ah bah oui. Et bien sûr. Le Cinéflash. Ah, attends, je voulais raconter un peu. C'est notre réalisateur, Michael, qui passe sa nuit de noces. Ah. Et il baisse son pantalon et il fait, tu vois, ça, c'est un pénis. Ah. Et il y a l'autre qui dit, ouais, c'est une bite en plus petit, quoi. C'est du vécu, hein. Ah, on m'a dit. Le jeu. Alors le jeu, le cinéflash, Bob. Bah le cinéflash, il y a quatre extraits. Oui. Un premier extrait d'un film. D'un film, du même film. Oui. Un premier extrait très difficile. Très difficile. Dépêchement, on entend les criquets. Oui. Un deuxième extrait difficile. Oui. Un troisième extrait facile. Oui. Et un quatrième extrait excessivement. C'est donné. Oui, donné. Donné. Premier extrait, écoutez bien. Ça donne envie de pisser, arrête. C'est tout ? Le disque est rayé ? Ah. È oro, signor Taiello, è oro. Alors, on sent bien Philippe Bello derrière l'extrait. Alors Bob, non, dans tes deux films fétiches, peut-être Le Patriote, mais je suis pas sûr. Ah, Maurice. Oh, moi je connais rien du tout là. Bon, Fred n'a pas le droit de répondre. Moi j'ai mis un truc, je sais pas si c'est ça, mais j'ai noté quelque chose. Deuxième extrait du même film. Mais j'ai fait une nuit. Ah. Moi, patron, c'est le moteur. Quel moteur ? L'autre ? Hein ? C'est la panne. La panne de quoi ? La panne d'essence ? Tout de moi, toi ! Mais non, patron, j'ai oublié de faire le plein à Naples. Mais j'ai pas envie d'être tout de moi. Mais qui c'est qui passe ? Personne ! Patron, on a dit pour, il y a une station-service. De funeste. Allez, fous la rattraper. Allez, poussez. Ah oui. Alors, oui. Fred avait noté quoi au départ au départ, j'avais noté OSS 117. Le calme, mais c'est passé. Je ne donne pas la réponse parce que tout le monde cherche quand même. Voilà. Alors, moi, j'ai une grosse idée. Oui. Comment? Je donne un indice sur mon idée? Non, vas-y. Oui. Elle marchera beaucoup moins bien maintenant. Oui. Oui. C'est oui. un bon indice. Ah, oui. D'accord. Oui. Oui. C'est de funeste. La réponse. Pendant que je vous ai là, moi, je suis dans un drôle de pétrin, vous, hein. Deux chevaux. Vous en sortirez, je vous le garantis. Oh là là. Non, mais moi, je ne suis pas inquiet, puisque je suis innocent. Le corneau. Je vous en veux pas parce que. Oui. Bonne réponse de Maurice qui a trouvé tout seul. Ah oui, alors, on a promis à Claire Toucourt qui est là aujourd'hui, la deuxième de la saison. Blague fétiche de Maurice. Le i et le clocher. Ah oui. Ah. Allez. Et c'est en direct là. Hein. Ah oui, là, sans, alors là, il n'y a je pas demande, des... Je vous demande de vous arrêter. Excusez-moi, monsieur le cabache, je vous ai pas interrompu. Je demande le plus grand silence. Oui. et que le public ne rigole pas surtout. Non. De toute façon, le public ne rigolera pas. Elle est trop drôle, donc le public n'a jamais ri à tes blagues. On va pas commencer ce soir. Et là, c'est sans filet, hein. Quelle est la différence entre un i et un clocher? Ah, oh, je ne sais pas. Ah non. Eh ben, le alors, i, c'est la voyelle. Oui. Et le clocher, c'est la console. Oh, oh là là là là. Ah, et vive les vacances. Bon, je l'ai un peu aidé, hein, il m'a regardé fixement. Ah, ça t'a, bon, alors on va faire un aveu aux auditeurs qui nous écoutent. En fait, ce n'est pas Maurice qui a raconté la blague. Salaud. C'est Fred qui l'imitait. Ce n'est pas vrai. Non, parce que si je l'avais imité. Oui. Alors, pas te planter. Quelle est la différence entre un citron et un clovage? Quelle usine mythique de la région parisienne a cessé de fonctionner? Renault. Bonne réponse de l'homme du club. Bon, une autre question, Philippe. Mais oui, une autre question. Ah ben non, mais c'est pas juste. Ouais, ouais, non, mais non, je vais rien dire. Non, c'était alors pour rigoler. Attends au moins qu'il ait fini de poser la question. Alors, je vais chercher une question à laquelle si, Bob si ne vous répondez pas, voilà, je vais vous mettre en boîte. Quel point commun... Ah, facile. Renault. Oh. Britney Spears. Brigitte Bardot. Ah, on était pas loin. Et Jane Fonda. Ah oui. Ah ben, ils ont été mariés avec Roger Vadim. Bonne réponse de Maurice et Fred. J'ai cru qu'il y avait une Maurice, moi. Non. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Ah bon, alors c'est un type, c'est deux potes qui discutent et puis il y en a un qui dit alors dis donc, l'autre fois je rentrais chez moi, puis j'habite à côté de la voie ferrée, et puis je trouve une fille ligotée sur les rails, tu sais, comme dans les films. Comme, ah bon? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je l'ai ramené chez moi, j'ai libéré, j'ai ramené chez moi. On a baisé dans tous les coins de l'appartement. Avec, je te la prends par devant, par derrière, et tout, dans toutes les positions. Et elle t'a taillé une pipe? Bah non, j'ai pas retrouvé la tête. Et alors, est-ce qu'il y a un site internet ou oui, on peut, tout à fait. Alors voilà, donc la honte. Je le connais pas par cœur. Alors, attendez, si la je l'ai sur contract. Non, attends, ouais, j'ai tout, regarde bien. Voilà, alors, c'est http://lapetiteloge.asso-web.com. Super simple. Point asso. Point enfin, asso-web.com. Ben, enfin, tu vas sur Maurice, sur Gogol et ouais, voilà. Mais la petite loge théâtre. C'est ça. Oui, la petite loge. Et puis, je crois même qu'en tapant la petite loge.com depuis quelques jours, normalement, ça devrait même fonctionner. C'est dingue. C'est moderne. Moi, j'y connais rien. J'y comprends rien. Voilà. Bon, alors, on va voir. On va faire passer tout de suite une audition en direct à Maurice. Ah, allez. Pour vérifier s'il peut être au programme de la petite loge à la rentrée. Ah bon. Voilà. Alors, Richard... Ah non, déjà, non, attends, faut qu'on parle. La petite loge, il y a du public, donc on va quand même faire. Ah oui. Mesdames, messieurs, Maurice. Ah ouais, ah ouais. Alors, Maurice, t'arrives sur scène, donc tu cher public, bonsoir. Et le sponsor, les Intercav, non? Non, non, après Intercav. Ouais. Alors, cher public, après. Bonsoir. Cher public, bonsoir. Ouais. J'ai pas répété, là. Richard se plaint. Ah, ma femme ferme les yeux chaque fois que nous faisons l'amour. Pourquoi? C'est l'ennui de voir que je m'amuse. Merci Maurice, excellent. Merci Télé Loisirs. Hey, ils ont quand même gagné 30 euros avec cette connerie. Je suis pas sûr que tu les fasses à la pourquoi elles sont, elles sont déposées en plus. Exactement. Oh la vache. Bon ben Bob, va falloir que tu relèves le niveau. Écoute. Alors, il y a une blonde. C'est les blondes. Non, elle n'est pas blonde. Non, seulement. Bob a beaucoup. On a oublié de te dire, Bob a beaucoup d'humour dans le fond. Alors, une blonde montre sa nouvelle acquisition à son petit camarade. Un grand tatouage en couleur en forme de coquillage à l'intérieur de la cuisse. Alors le mec il dit, attends, pourquoi tu l'as mis à cet endroit-là? Eh bien, c'est très simple, tu colles ton oreille et tu vas pouvoir sentir la mer. Oh non. Retour dans Masse Marée pour quelques minutes encore. Alors, question. Quel célèbre film a assuré le succès du disco dans les années 70, bien entendu. À 70, oui. Parce que là, il y en a eu un dernièrement. Avec... Le film qui a vraiment fait... Avec John Travolta, Bob. Ah oui, La fièvre du samedi soir. Ah, bonne réponse. Bravo. De Claire Doucoud. Bravo. Bravo. Bravo. Alors, nous avons Claire tout court avec nous de la petite loge et on s'est dit que ça serait bien pour qu'elle puisse savoir si elle va pouvoir l'embaucher à la rentrée pour un spectacle, que Maurice lui raconte la fabuleuse blague du clocher. Ah, en direct? Ah oui, ah bah oui. Je me suis déplacé exprès pour ça, donc vas-y. Alors, quelle est la différence entre un i et un clocher? Ah. Je ne sais pas. Et Fred, non. Ah non, mais on t'écoute, Maurice. Ah, je ne sais pas, j'espère que tu ne sais pas. Non. Ah, moi, je ne connais pas. Non, on ne connaît pas. Non, c'est quoi? Vas-y, le suspense est insoutenable. Vas-y. C'est quoi la différence, Maurice? C'est la console. Jamais il ne va y arriver. Jamais. Je l'ai pas fait exprès. Oui, non, bah, vraiment, ah bah, on joue bien que tu l'as pas fait exprès. Jamais tu ne vas y arriver. C'est pas possible. Est-ce que t'as des souvenirs de fou rire comme ça à la petite loge, un truc qui était pas prévu, parce que c'est souvent comme ça que malheureusement, enfin heureusement, c'est comme ça qu'on se marre, c'est vrai. Oui, que, c'est vrai. Non. Une catastrophe. Par contre, vas-y. Souvent, ça fait pas rire en fait, parce que il y a les gens qui sont là. Donc si par exemple il y a un gros plantage en régie ou n'importe quoi, non, on rit rarement. Par contre, j'ai souvenir, j'étais pas présente, mais on m'a raconté un gros trou de mémoire d'un comédien lors de sa première, un truc assez sympa où là trois premiers mots et puis d'un seul coup plus rien, le blanc, avec le metteur en scène qui était à côté qui regardait le régisseur et puis je sais pas, Fred, ça te rappelle quelque chose peut-être? Absolument pas. C'est vraiment, d'un seul coup, ouais. il parle, mais ça faisait même pas 5 minutes que le spectacle était commencé, et puis plus rien. C'était le soir de la première de mon spectacle. Manu Joukla, mon metteur en scène, était là. Il y avait pas mal de monde dans la salle. C'était Perrine qui était en régie, une des trois personnes qui s'occupe de la petite loge. Et avec Manu, on était un peu à zéro, quand même. Un peu stressé. Je balance les premières répliques. Manu, il me raconte après, il commence à se détendre. Et après la troisième réplique, plus rien. Je savais même pas ce que le contexte du sketch. Des fois, on oublie un mot, on oublie. Non. Là, j'oublie carrément où je suis. Voilà. Et donc, je crois que on a fait 3 litres ce soir-là du côté de la régie. À peu près, oui. En tout cas, Perrine, ça l'a bien marqué. Elle est un petit peu enceinte en plus. depuis, elle a accouché d'ailleurs. Ah oui. Et c'était des jumeaux. C'était quel sketch? Le tout début du spectacle. Le tout début du spectacle. Quand je dis ceci n'est pas un spectacle, c'est pas. Je donne les consignes au début. C'est pas un spectacle interactif, voilà. Cela dit, il m'est arrivé exactement la même chose quand j'ai repris mon spectacle à la première. Pareil, j'énumère des règles, donc règle numéro 1, règle numéro 2, etc. Je les connais juste par cœur. La règle numéro 1 étant tu ne tueras point, normalement, celle-là je m'en rappelle. Hein. Et là, j'arrive, règle numéro 1. Et alors, là, en plus, elle fait partie du... On a écrit les 10 petits commandements de la petite loge et... c'est la règle numéro 1 aussi sur les 10 petits commandements. Oui, c'est vrai qu'elle anti-sèche sur le mur. Oui, en plus. Et rien. Oui. Non, sur le coup, je pensais plus à rien. Il y avait plus rien autour. C'était, il y avait mais rien. Ouais. Et je regardais les gens comme ça. Ils me regardaient. On a un beau moment de fusion avec le public. C'était intéressant. Mais alors, rien. Le grand moment de solitude. Mais nous, on a ça tous les soirs. Tu sais, Maurice se rappelle jamais où il a garé sa voiture. Et nous avons un jeu que nous a amené Frédéric Coster. Alors, comme d'habitude, des petits quiz avec des choses à retrouver. Alors, on commence par les comédies musicales. Alors, comédies musicales ou films musicaux. Il y en a combien en tout? Il y en a 8. Il y a 8 extraits. Et alors, attention, parce que je connais les petits malins. Il me faut le titre exact français. Tu chipotes, hein. Ah ben non, mais fame, c'est femme en français. Ah oui, non, genre pour fame, tu veux pas... Oui. Renommée, c'est quoi? Mais s'il y est. On va appeler les enfants, il y a fame. Ça m'étonnerait qu'ils soient pas. Vous verrez, oui. Te connaissant comme on te connaît, un popcorn. Et un popcorn. Mais ça, c'est la comédie musicale, c'est pas le film. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, là, c'est le film. C'est des films, pardon. C'est des comédies musicales, films. Ah! Vous avez oublié de vous dire. Elle le dire avant. Ah oui, heureusement qu'il nous prévient, sinon, non, mais c'est Philippe qui m'y fait penser parce que. Et encore un popcorn. Il chante fame, mais il chante la comédie musicale, le spectacle, pas le film. Ah oui, on avait bien reconnu. Est-ce dans que la... j'envoie la purée ou... Ah bah écoute, c'est pas moi qui commande ça. Je connais pas assez le jingle, ça. C'est pour ça que j'en connaissais pas. Le titre français. Aussi. Le titre de la chanson. Le film. Moi je vis ma vie à big face, le sentiment à big face, indifféremment à big face, et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse. I may not win, but I can't be thrown out on my own. Moi je suis une vieille. Chanter la parisienne, olé, leur feutinet et leur chapeau. On a chanté les madrilènes, la la la la la. Mais je ne c'est même ça pourrais non. Jamais vivre sans toi. Je ne pourrais pas ne pas jamais. Arrêtez en régie. Ah bah c'est fini là. Voilà, il y en a 9, pardon, j'ai oublié d'en noter une sur ma feuille. Il y en a 9. Ah. Oh là là, je vais avoir. Il y en avait pour les vieux et pour les jeunes. C'est parti alors, les réponses hein, au quiz des comédies musicales. Alors on écoute donc, il fallait nous faire la première. La première. C'est catastrophe là. Dali, dali, dada. J'entends sous la pluie. Bravo, Marie. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai marqué aussi. Mais je pensais qu'il y avait un piège, que le film s'appelait genre autrement que la chanson, quoi. Enfin... Mais c'est tout ce que je connais, donc j'ai dit s'il y a un piège, tant pis. Je m'en fous, j'avais. Et moi, j'ai vu ma vie à pile ou face. Ah oui, alors moi, je connais ça par cœur. Moi, j'ai marqué à pile ou face. Je me rappelle. 8 femmes. Bravo. Oh. C'était Emmanuel Béart qui chantait. Alors, ça, c'était quoi? Ah bah, moi, là, j'ai reconnu tout de suite. C'est les Tontons Flingueurs. Oui. Moi, au hasard, j'aurais dit fame. Oh, bravo, Philippe. Ah ouais. Le jour se lève. Oui, bon, arrête. Le prochain, c'est bon anniversaire. Pamela, Comment t'as dit? Comment t'as dit? C'est Moulin Rouge. Moulin Rouge. Oh, excellent. Oui, ah oui, c'est le nom du nouveau restaurant de Jean-Luc Mélenchon. R. Ouais, non mais moi aussi je l'avais. Comment t'as dit? R. Ah bah bravo. Bravo. C'est bien. Avec Julien. Ah bah j'ai reconnu les vieux trucs hein. Bien, je l'avais aussi hein. Ah, sud R qui veut dire cheveux. Voilà. Alors ça. Ah ça c'est Cotton Club. Pas du tout. Olivia Newton-John. Ah oui bah voilà. Ah c'est. Ah oui c'est l'autre, c'est la fièvre non, non. Ah non c'est après. Ah non. Xanadu, bravo. Xanadu, bravo Philippe. Olivia Newton-John avec Electric Light Orchestra. Oui, ah oui, c'est un des plus gros fours de l'histoire du cinéma. Ah quand même. C'est pas faux, mais c'était vachement bien Olivia Newton-John. Ah, le sud après, mais j'ai bien reconnu, c'est les pyramides. Leur petit nez et leur Mexico. Alors le titre exact, c'est quoi? Mexico. Mexico. Comme c'est le chanteur de Mexico. Oh là là. Ah, Footloose. Oui, oui, oh, Notre-Dame de Paris, c'est ça. Et le dernier, c'est Footloose. Et le dernier. Podane. Non. Mary Poppins. C'est un film français. Mourir d'aimer. One man and one woman. Mais Podane, on n'est pas loin. Ah, t'as vu. Enfin, y a un rapport direct. Les parapluies de Cherbourg. Bravo. Oh. Eh oui, oh, c'est déjà fini. Ah bah ça y est, on va manger quand même. Bon, alors, si vous voulez voir ou entendre ou toucher Claire tout court, une seule adresse. 2 rue La Bruyère à la Petite Loge. Ah, tous les soirs. Excellent. Quasiment. Donc, merci à Claire tout court. Oui, merci. Merci. Merci à Maurice et sa fabuleuse blague du clocher. Merci à vous. Parce que t'as, du club t'as... et Frédéric Coster. Ah oui. Merci Fred, merci à Mickaël pour la Réal. Ah. L'excellent public également. Oui. Rendez-vous la prochaine fois.